11, observation, forme masculine et féminine, T, T-E, D, D-E, S, 2-S-E, X, 2-S-E, G, G-U-E, F, V-E, N, N-E. Elle est un peu forte. Elle a le cou un peu fort. Il a la taille épaisse. Il a les doigts épais. Elle a les doigts longs et les jambes longues. Elle est assez grande. Il n'est pas très grand. Elle est très vive. Elle a l'esprit vif. Elle a les doigts fins et les jambes fines. Masculin fort. Féminin forte. Court. Courte. Vert. Verte. Petit. Petite. Grand. Grande. Blond. Blonde. Rond. Ronde. Épais. Épaisse. Roux. Rousse. Long. Longue. Vif. Vive. Sportif. Sportive. Fin. Fine. Notez que, au point de vue du son, il y a à la forme féminine une consonne qui est absente à la forme masculine. La consonne finale qui est prononcée à la forme féminine est représentée dans l'orthographe de la forme masculine, mais elle n'est pas prononcée. Au point de vue de l'orthographe, il y a un E à la fin des formes féminines.